Je veux dire ou pas? Font mal à la tête, mon frère. Ah ouais. Mais bon, tu connais. Elle me cafle le cerveau. Je crois bien qu'elle est folle. Elle doute de B2O. Sans cesse, elle check mon téléphone. C'est vrai, j'ai plus de succès depuis une nouvelle école. Je me dis que je vais la dèche, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors je ferme les yeux. Je plane, traverse nuage de fumée, seul dans ma fusée. Pour me faire craquer, elle est vraiment à droite. Personne n'y peut rien, même pas mon collage à droite. Elle me dit que je suis un salaud, je finis solo. Toujours avec les héros, à vouloir me faire en roro. Et ma grosse, tu crois quoi? Rien n'est jamais acquis. Au lieu de mettre, je préfère mettre mon trait kaki. Partir au charbon, connexion jusqu'au Gabon. Elle en a rien à foutre, je pense qu'à ma gueule, je suis qu'un sale con. Je ne veux pas que tu battes trip, je ne veux pas que tu partes. Mais elle ne comprend pas, je suis dans la street, je fais du rap. Tu m'as tapé dans l'œil, je t'ai mis sur le côté. Approche pas de mon cœur, cœur tu vas sauter. Killer, cœur tu es un killer, killer. Y'a pas de loser, j'serais dans le 92. Vers les coups de 12h, j'suis un killer. Boy, j'suis un killer. Killer, killer. J'aime le challenge, armant je me mélange. Esquive, je me déhanche sans être mis sur les phalanges. Je fais tout ça pour nous, pour payer la nounou. On joue Glock, ou ils savent que je ne fais pas joujou. Arrête de me péter la tête, j'traîne plus en bas des tours. J'fais du bif, pas la fête, les groupies. J'ai d'autres objectifs, mais tu persistes. De boule à une pompe, fèvre à pierre fit. Va me faire un steak frites. Tu m'as fait mal au crâne, je suis à deux doigts de court-circuit. J'aime les festins, pas les pniques. Mets la main sur mon cœur, ressens les secousses sismiques. J'ai fait des trucs sombres, limite immondes. Personne marche du même bord, demande à Philippe Drummond. Sale négro je suis, jamais pas de blanche ne se montre. Même pour 30 secondes, je veux être un grand de ce monde. Tu m'as tapé dans l'œil, j'ai mis sur le côté. Approche pas de mon cœur. Killer, killer, killer. Ici y'a pas de loser, j'serais dans le 92. Vers les coups de 12h, j'suis un killer. Boy, j'suis un killer. Killer, killer. Killer, killer, killer. J'suis un killer. Gamme, chien de la seca. J'ai pris à la daronne une BM, un tum tum et du choca. Y'a pas que toi dans ma life. Hashtag me rend pas ouf. J'ai besoin d'aller vite, j'me fais flasher sur toute la route. Je pensais à mon futur, je fais partie de l'élite. J'remplis Bercy le zénith. Mais quelle trace je vais laisser si je ne fais pas de marmot. 150 euros, trace de rouge à lèvres sur mon polo Gucci. Gangster gentleman jusqu'à ma dernière bougie. J'ai peut-être laissé ma femme passer. Si je roule à deux à l'heure, je regarde sûrement un